Disneyland. J'traîne avec des dealers et des receleurs. Marécage, tri, le sourire de Lucifer, la vodka de Lucifer. J'ai trop du trop, la fierté de mes descendants. L'amour est mort, maintenant ça baise en banque. On pèse et on vend, ça discute par la fenêtre. J'ai eu le bonheur au bout du fil, il m'a dit d'aller me faire mettre. Ça vole dans les H&M, moi j'veux du haché de l'herbe. Si un keuf insulte ta mère, vas-y achève-le. Les sales cas m'expliquent, moi j'veux un kebab frit. Tu joues la rust, ça met un clébard petit. C'est sexe, drogue et monnaie, les buts, le shit et le genre art. Des sales souvenirs, j'en garde, j'suis allergique aux gendarmes. J'fais confiance à son père, normal. Les caves fous se baladent, les caves fous se baladent. La fatigue sous mon sweatshirt, le blues en gros lettrage. J'évite les problèmes qui feront déborder le crâne. Nous on graille au kebab, on doit la thune à sunrise. On met des patates au réveil et on s'endort sous Valentine. La fatigue sous mon sweatshirt, le blues en gros lettrage. J'évite les problèmes qui feront déborder le crâne. Nous on graille au kebab, on doit la thune à sunrise. On met des patates au réveil et on s'endort sous Valentine. Si tu parles comme un homme, j'te tire les couettes. Pour faire l'oseille, j'applique ma méthode. Et non pas celle de Koé. J'veux une Rolex, un salon Conforama. Les gens veulent test, les confoires, un mag. Le sky flingue mon foie. J'garde les pieds sur terre, mais qu'est-ce que tu crois, mon grand? J'écris ma vie sur texte. La street, c'est un sport à part. Les perdants gagnent des cocards, ils se paradra. Les dollars, tape des mains sur Canal Plus. J'suis une canne à fille, j'crois que le canapé fume du cannabis. La big grave, c'est un taf à risque. J'compare la street à un safari. Reste tranquille, sale gamine. J'croise des camés, le bif en sang. Bolo, c'est ses cousins, j'veux du bif entre autres. Ça bise en gros, fini l'époque des bisounours. J'arrache des bigoudis, tu l'es déjà dit, moi j'veux des bijoux. J'suis pas tout seul, moi. J'ai cassé le train d'atterrissage. Poche droite en pèse dans le tram. J'suis mitraillé par les regards. J'ai pas le temps pour les gardes à vue. J'marche à vive allure, ma conso dans la lune. J'me sens bien quand j'vois la lune. J'suis pas tout seul, moi. J'ai cassé le train d'atterrissage. Poche droite en pèse dans le tram. J'suis mitraillé par les regards. J'ai pas le temps pour les gardes à vue. J'marche à vive allure, ma conso dans la lune. J'me sens bien quand j'vois la lune.